Colombia, armée jusqu'aux dents, c'est l'Amazonia. Comme en Colombia, armée jusqu'aux dents, c'est l'Amazonia. Les jours pas trop le mia, de façon nos jours peu sont fiables. Cherche pas, je suis grillé, pour me chercher faudrait miracle. À quoi tu joues là, tu crois que je suis ton pote, tu m'as pris pour qui là. Tu m'as ouvert les yeux, oh mamma mia. Vous me faites tout chier, et je m'en tape des gens qui y a. Je jugerai pas moi sans savoir quitter, quand je me sens faible, je demande à Dieu de me guider. Dieu de me guider, Dieu de me guider. J'ai besoin de me vider. J'ai la thune des killers, tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique, moi je rentre en addict. Viens donc dans ma world, t'es là tu vois pas tu deux. T'es là tu me fatigues, tu fumes du plastique. Sur qui tu veux tirer, pas loin toi tireras. Tu marcheras, tu monteras, mais plus tard on te tuera. C'est la loi du milieu, là où des armes et des goûts il y a. Ça te chasse comme à la corrida, ça sert à rien de faire le gorilla. Tu te rappelles, vous riez, maintenant vous êtes là. Heureusement j'ai trié, je ne regrette pas. Et j'esquive toutes ces billades, sur bébé ils font la criade. Elles manquent pas, font que crier. Cherche une suite au Kyriade. Et puis rien que je gamberge, ça sert à rien de parler. Je fais les choses à ma manière, tant mieux que ça a marché. Un peu de miel, je la monte en l'air. Coudrait, elle crie mon nom. Deux, trois belles paroles en l'air. Et elle me dit t'es mon homme. J'ai là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique, moi je rentre en addict. Viens donc dans ma world. J'ai là, tu vois pas, tu te. Plastic.